Bonsoir à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite les titres. Une personne est morte, tuée par balle. Une autre a été blessée la nuit de ce samedi sur la colline Gihungwe de la commune Gihanga en province Bubanza. Selon la police, des enquêtes sont en cours. Restaurer la qualité de l'enseignement est l'une des raisons de l'organisation des Olympiades. Le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique l'a dit ce samedi à Gitega. Lors de la finale des Olympiades édition 2024, vous le suivrez. À suivre également dans cette édition, la chronique nutrition sur le poivron. Voilà pour le sommaire. À la présentation d'Henri Bingabide, Anselme Milambona assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page sécurité pour ouvrir cette édition. En bref, une personne morte a été trouvée le matin de ce dimanche tout près du chef-lieu de la commune Lugombo en province Cibitoke. Les sources policières indiquent que la victime aurait été battue à mort par des personnes jusqu'ici inconnues. La victime serait accusée de vol selon les mêmes informations. Le commissaire communal de la police à Lugombo, Roger Aishakie, précise que deux personnes ont déjà été appréhendés pour des raisons d'enquête. Il fait savoir en outre qu'ils attendent la famille de la victime déjà connue pour que cette dépouille soit inhumée. Sécurité toujours, une personne est morte tuée par balle au cours de la nuit de ce samedi à dimanche sur la colline Gihungwe de la commune Gihanga en province Bubanza. Selon les administratifs locaux, les acteurs qui n'ont pas été identifiés ont également blessé une autre personne actuellement sous des soins médicaux. Une fouille perquisition a été opérée sur cette colline ce dimanche selon toujours ces administratifs. La police indique que des enquêtes sont en cours. Space Caritas Kabanyan. La personne tuée était avec les autres à la deuxième avenue au village de Gihungwe. Et d'un coup, des hommes armés qui n'ont pas été identifiés ont tiré sur elle à bout portant. À part celle qui est morte sur le champ, une autre a été grièvement blessée et elle a été vite évacuée à l'hôpital selon les administratifs et locaux contactés sur place. Et les habitants de cette colline de Gihungwe disent avoir passé la nuit dans une peur panique, étant donné que certaines collines de la commune Gihanga connaît une grande insécurité ces derniers jours. Ce dimanche matin, une fouille perquisition a été organisée dans les ménages proches du lieu de l'incident. Seuls les habitants qui n'avaient pas le cahier de ménage ont été arrêtés puis relâchés après des conseils selon certains des élus collinaires contactés. Les forces de l'ordre ainsi que les administratifs précisent que les enquêtes sont en cours afin d'identifier les auteurs de ce crime qui seront traduits en justice une fois identifié. Merci, Espèce. Page éducation, restaurer la qualité de l'enseignement et offrir aux élèves l'occasion d'exhiber leurs talents. Telles sont quelques-unes des raisons de l'organisation des Olympiades. Propos du secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique au moment où ce samedi à Gitega se déroulait la finale des Olympiades édition 2024. Certains enseignants parlent d'irrégularités constatées dans l'organisation de cette activité. En langue, les disciplines concernées étant le français, l'anglais, le kirundi et le kiswahili et en sciences, ce sont les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Gérard Nibigira. Le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique, Frédéric Bangirinama, indique que l'objet des Olympiades est d'aboutir à l'enseignement de qualité. Il s'agit d'une compétition qui est organisée au niveau des écoles. Cette compétition a pour objectif de donner une occasion à nos élèves pour exhiber leurs talents, leurs connaissances, mais également les familiariser à s'exprimer en public, à cultiver l'esprit de compétitivité. C'est donc une occasion qui permet de voir là où nous en sommes dans ce combat de la mise en place d'une éducation de qualité. Les élèves participant à ce genre de compétition indiquent qu'il leur est bénéfique. Les Olympiades aident les enfants, premièrement, de voir leur niveau. Dans ces Olympiades, chaque élève peut classer son niveau à comparer au celle des autres. Et ils aident aussi de rencontrer les les autres enfants des autres provinces du pays. Ces élèves réclament un appui particulier de la part des responsables éducatifs à tous les niveaux. Il y a certains directeurs ou bien les DCE qui négligent les enfants. Ils ne soutiennent pas. Je voulais les conseiller de soutenir ces enfants parce que c'est très important à ces enfants qui ont décidé de participer parce qu'ils participent pour comparer leur niveau. Répondant à la question de Plidin, comme quoi les membres des jurys de délibération viennent tous de la capitale économique Bujumbura pour les langues et les sciences, le secrétaire permanent Frédéric Vangilinama répond que ce travail est jusqu'à présent réservé aux seuls conseillers pédagogiques. Ce qui constitue les jurys, ce sont des conseillers pédagogiques. Ils conçoivent le programme pour tous les enfants du pays. Si on aurait intégré dans les différents jurys des enseignants, probablement qu'il y aurait eu un autre conflit d'intérêts. Pour moi, la solution sage était d'utiliser les conseillers pédagogiques. Les candidats à cette finale des Olympiades édition 2024 qui ont occupé les premières, les deuxièmes et troisièmes places ont obtenu chacun un prix constitué d'une enveloppe et d'un certificat de mérite, mais leurs encadreurs grognent pour n'avoir eu ni frais de mission ni frais de déplacement, d'où ils avouent qu'ils sont découragés pour l'avenir. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également les jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. En ligne, c'est sur sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, les téléculteurs en commune Muluta de la province Kayanza se lamentent qu'ils viennent de passer 2 ans sans être provisionnés en fertilisant par le complexe théicole de Gwegula où ils vendent leur production de thé. Le gérant de ce complexe affirme cela. Richard Narayo indique que la commande a été faite, mais que l'engrais apporté n'est pas celui qu'ils étaient habitués à utiliser. Toutefois, ce gérant tranquillise ses téiculteurs qu'une équipe de techniciens est à l'œuvre pour analyser si cet engrais ne pourra pas avoir de conséquences négatives sur la production du thé une fois utilisé. Patrick Nzenguyomba pour plus de détails. Cette équilibre de la commune Muruta qui grogne que la complexe théicole de Gwegula ne leur donne plus des engrais chimiques pour fertiliser leurs plantations théicoles sont surtout ces deux collines Kavoga, Luharo Muchiro et Mfunda. Ils indiquent que la production agricole du thé a sensiblement diminué ces deux dernières années à cause du manque de ces fertilisants, arguant qu'ils devraient fertiliser leurs plantations théicoles le mois d'octobre et novembre de chaque année. Les théicultrices de Muruta déplorent également qu'ils ne sont pas informés de la cause du manque de ces engrais chimiques. Contacté à ce propos, Richard Nahayo, gérant du complexe théicole de Gwegula où ces théicultrices vendent leur production du thé, celui-ci nous a fait savoir que la commande des engrais chimiques qui a été faite n'a pas été bonne. Il indique que les engrais chimiques importés n'ont pas été de bonne qualité, mais qu'une équipe de techniciens est à l'œuvre pour analyser la qualité de ces engrais chimiques avant son usage. Au cas où les résultats de cette étude démontreraient que ces engrais chimiques sont de bonne qualité, indique le gérant du complexe théicole de Gwegula, les théicultrices en bénéficient pour fertiliser les plantations théicoles. Signalons que dans la commune Muruta, dans une période ne dépassant pas une année, des plantations théicoles s'étendant sur une superficie de 27 hectares ont été détruites au profit d'autres cultures vivrières. Les théicultrices se lamentent du prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé qui est plus bas comparativement à des prix des denrées alimentaires de première nécessité au marché. Depuis Kayanza, Patrick Nsengun va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Page sportive de cette édition. Le sport de tennis se porte bien au Burundi, mais quelques défis sont à relever, notamment le manque de terrain. Il se joue seulement dans 4 provinces sur 18 que compte le Burundi, à savoir la mairie de Bujumbura, Gitega, Muyinga et Kirundo. Ceci est dit par Innocent Chimilimana, coordinateur national de la Fédération du tennis. C'est au moment où, le 4 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de tennis. Innocent Chimilimana, qui est aussi coach de l'équipe nationale de ce sport, appelle à la construction des terrains de tennis dans toutes les provinces du pays. On l'écoute, il est au micro d'Evariste Nzikobanyan. Pour moi, en tant que coordonnateur de la fédération, je dirais que pour les enfants de la fédération. Ils sont bien parce que je peux dire, au mois de janvier, on a fait le tournoi qu'on appelle le Zonos et l'équipe burundaise s'est bien comportée. Et je dirais pour les enfants que le Burundi et dans la sous-région, nous sommes mieux classés. Là, nous sommes au niveau de la sous-région et au niveau national, comment se porter ce sport? Je dirais qu'au niveau national, nous avons les terrains à Bujumbura, à Gitega, à Muyinga et à Kirundo. Je dirais pour ces provinces, le tennis se porte bien. Et pour l'Est, on n'a pas de terrain. Et donc, je crois que si on aura la chance d'avoir des terrains dans tout le pays, le tennis pourra acquérir beaucoup de champions et de championnes. Pour avoir des terrains dans ces provinces, qu'est-ce qui devrait être fait? Je crois que d'abord c'est le pays, la fédération, même les sponsors qui ont envie que le tennis soit un sport qui est connu dans tout le monde. Il y a ceux qui pensent que le tennis c'est pour les enfants des riches. Est-ce qu'ils ont raison? Non, moi je dirais non. Parce que si vous venez ici à l'entente sportive, et vous trouverez les enfants d'Oruziba, de Buyenzi, de Buterere, même les enfants de Kinindo. Ici à l'entente sportive, pour les enfants, je dirais que c'est même gratuit. Parce que si vous venez avec l'enfant, tout le matériel, les terrains et les coachs sont gratuits. C'est pour la fédération. Mais je dirais que c'est ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas vrai. Et pour les enfants, je dirais que c'est un sport juste qu'on regarde les talents de l'enfant. Aux parents, qu'ils viennent ici pour qu'on les explique comment ça fonctionne. Au mois de juillet, et dans les vacances, on fait ce qu'on appelle la spéciale vacances. Et les parents viennent, on les explique qu'ils sont intéressés, ils amènent beaucoup d'enfants. Donc l'appel, c'est qu'ils viennent ici et qu'on leur donne les informations en concernant le tennis. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le poivron est très riche en vitamine C, quelle que soit sa couleur. Il continue à fournir des quantités très importantes de cette vitamine, même une fois cuit. Selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, cette vitamine intervient dans le maintien en bonne santé du système immunitaire et du système nerveux. Il est également excellent pour lutter contre la fatigue. La chronique nutrition sur le poivron est signée Jean-Marie Mayonga. Le poivron est un fruit piment, d'où une plante qui a deux couleurs variées, selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, qui commence à nous décrire ce fruit. Le poivron, c'est un fruit dit piment doux, capsicum. C'est une plante herbacée qui peut atteindre 60 cm de hauteur. Le fruit est habituellement rouge, vert ou jaune, mais il en existe des exemplaires orangés, violets et même noirs. Ce chercheur explique que le poivron contient de vitamine C et d'autres substances qui interviennent dans la protection de l'organisme des différentes maladies. Le poivron contient de la vitamine C. Le poivron rouge apporte presque 4 fois plus de vitamine C que le citron ou l'orange. En fait, vous voyez que le poivron contient beaucoup de vitamine C. En outre, le poivron contient ce qu'on appelle lycopène. En fait, lycopène, c'est une caroténoïde qui est très abondant dans la tomate, mais dans les poivrons aussi, on peut y trouver. Les poivrons contiennent aussi des substances qu'on appelle capsaïcine. La capsaïcine qui se trouve dans les poivrons, même dans les piments, c'est la substance responsable du piquant. La capsaïcine est apéritive et stimulante pour la digestion. Mais à des doses élevées, elle est méfiante. Elle peut irriter quand même la peau et la muqueuse digestive. Les poivrons contiennent ce qu'on appelle des fibres végétales. Il en contient environ 2%. C'est beaucoup. Jean-Paul Winesa signale également que le poivron peut être utilisé par les personnes qui ont un problème de l'estomac. Affection de l'estomac. Par son action apéritive, stimulante de la production du cycle gastrique, et anti-inflammatoire, le poivron convient aux personnes souffrant d'une dyspepsie, fait mauvaise digestion, due à une insuffisance de sucre gastrique ou à une atonie digestive. En cas aussi de la constipation, on peut faire recours au poivron. Le poivron est laxatif et doux et possède de plus une action anti-fratirante. Le poivron, c'est une plante vivace cultivée Il est de la famille des Solanacées, originaire du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et c'est sur cette chronique que s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille. Anselme Milan Bon a assuré la mise en onde au micro d'Oreille Bingabilé. Bonne fin de semaine à vous. Isanganiro.